Si on l'appelait poil de carotte, ce n'était pas parce que, pardonnez l'anecdote, elle avait les cheveux rouges, il en fallait peu pour qu'elle me consume de son regard de feu. Et moi je suis tombé pour elle, un peu naïf sur le coup, mais ses yeux d'ange et sa peau pastel ont ensorcelé. Que voulez-vous? On dit que chaque homme a ses faiblesses, il ne lui a pas fallu longtemps. Il a suffi qu'elle bouge tes petites fesses pour marquer sur mon cœur son prénom en grand. Et que le bon Dieu me pardonne d'être tombé des nues pour une autre personne. Mais il faut bien vivre et bien aimer avant de prier Dieu d'exister. Et quand un jour de mes bras il s'est dérobé, en me laissant pantois et un mot dans la douche, la seule trace d'elle qu'elle a laissée, c'est son parfum amer à l'arrière dans la bouche. Et tu ne pardonneras jamais d'avoir aimé une femme qui s'est jouée de moi. Je suppose que l'adage était vrai, pour connaître le bonheur au moins qu'il fait quand il s'en va. De cette femme aux cheveux rouges, je garde un souvenir brûlant et délicat. Et un silence que rien ne bouge, une aventure et beaucoup de fracas. Une jeune fille qui ne fait pas son âge, une tueuse avec des bottes, un arc-en-ciel de passage, un bout de femme que j'appelais poil de carotte. Une jeune fille qui ne fait pas son âge, une tueuse avec des bottes, un arc-en-ciel de passage, un bout de femme que j'appelais poil de carotte, un bout de femme que j'appelais poil de carotte, un bout de femme que j'appelais poil de carotte, un bout de femme que j'appelais poil de carotte.